بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ثم أما بعد. Donc on continue avec les fondements corrompus chez le dénommé Yahya bin Ali al-Hajouri. Donc nous lisons dans une forme de synthèse donc de la critique et de la réfutation faite par le noble cheikh Arafat al-Muhammadi, qui est un disciple du cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah. Donc là, le 11e fondement maintenant reproché à Yahya al-Hajouri, le 11e fondement corrompu chez lui, hein, c'est que al-Hajouri énumère les erreurs des compagnons de as-sahaba, pardonnallah. Il énumère des erreurs des compagnons. Prenons l'exemple en cela chez les rawafid, hein, qui sont leurs ennemis, qui sont les ennemis de as-sahaba, pardonnallah. Donc il cite des mathalib de as-sahaba. Donc il énumère des fautes de as-sahaba. Pour quelle raison? Allahu a'lam. Donc nous, la position des gens de la sunna, c'est que on ne mentionne pas ces choses. Hein? Donc nous, omerna bit-taraddi anhum wa bi-hubbihim. Nous sommes enjoints de les aimer, hein? Et donc de faire l'invocation pour eux, hein? والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. Ceux qui sont venus plus tard, hein, ils disent, hein, ou bien ceux qui sont venus après eux, disent: Ô Allah, pardonne à nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Très bien. Donc Al-Hajouri, il énumère, hein, des erreurs qu'il relève chez les compagnons, Allah Musa'an. Il s'ajoute à ceux-là sa prétention que la veine de Uthman radiallahu anhu serait une innovation. Hein, que la veine de Uthman serait une innovation. Or, ça c'est une sunna d'un calife bien guidé. Hein, comme on va voir, et comme cela il est très connu, hein, que le prophète il a dit: Alaykum bi sunnati, wa sunnat al-khulafa al-rashidin al-mahdi min ba'di. Sunnat al-khulafa min ba'di, ou comme a dit alayhi salam, comme on va voir. Donc là il s'ajoute à cela, comme je l'ai dit, comme erreur dans le fait d'énumérer les erreurs des compagnons. Il s'ajoute à cela sa prétention, la prétention de Yahya al-Hajouri, hein, que l'adhan de Uthman serait une innovation et un égarement, hein, dalal, hein, comme dans son livre sur Ahkam al-Jumu'ah, la page 303. D'accord? Et il prétendit que certains compagnons auraient participé à quoi? Au meurtre de Uthman radiallahu anhu. Il a prétendu que des compagnons, ils ont pris part à l'attentat contre Uthman, radiallahu anhu. Et c'est toujours dans Ahkam al-Jumu'ah, la page 305, hein, cette fois. Cheikh Arafat al-Muhammadi, hein, cita une longue parole de al-Hajouri où ce dernier collectionne des erreurs chez les sahaba. Hein, et c'est à voir dans Al-Bayan Fawri, sur les pages 23 et 24. Il y a un long paragraphe où il dit: tel sahabi il a fait telle chose, tel sahabi il a fait telle chose, tel sahabi il a fait telle chose, wallah musta'an. Hein? Donc le cheikh Arafat, il a commenté après cela, il a dit: ceci est la voie des gens des innovations, hein? Non pas celle des gens de la sunna. La méthodologie des gens de la sunna relativement aux compagnons consiste à détester quiconque les déteste, hein? Qui les mentionne, hein, par autre chose que le bien. Quant à nous, nous ne les mentionnons que par le bien. Nubridu man yubriduhum wa bighayri al-khayr yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khayr. Comme avait résumé l'imam al-Tahawi rahimahullah. C'est-à-dire que nous détestons quiconque déteste les compagnons, hein, et qu'il les mentionne par autre chose que le bien, hein. Quant à nous, nous ne les mentionnons que par le bien. D'accord? Il a contredit cela. Il a contredit ce fondement. Hein? Si l'on sait déjà que s'agissant des savants, hein, c'est-à-dire qu'il y a un degré moindre que celle des compagnons, aqal min daraja as-suhba, hein? Si l'on sait déjà que s'agissant des savants de la voie de Salaf, hein, parmi les premiers et ceux qui les suivent, hein, qui sont des gens de bien, de suivi et de fiqh, hein, de fiqh et de clairvoyance, on ne les mentionne que par le bien. Et quiconque les mentionne par un mal, il n'est pas sur la bonne piste, il n'est pas sur la bonne voie. D'accord? Hein? Comme on dit, parmi les signes des gens d'innovation, c'est qu'ils vont s'attaquer aux gens de Al-Athar, les gens du Hadith. D'accord? Donc, celui qui s'exprime ainsi sur Sahaba, ou sur les savants, hein, au moins, sur les savants, hein, il n'est pas sur la bonne piste. Hein. Que dire alors des compagnons? Hein? Que dire alors que celui qui s'attaque aux compagnons? Hein? Sahaba, alayhim. Leur amour fait partie de la religion. Hubbuhum din, wa iman. D'accord? Leur amour fait partie de la religion, de la foi et de l'excellence. Hein? L'animosité à leur égard est une mécréance, une hypocrisie et une transgression. Hein? Celui qui déteste les compagnons. C'est donc une expression de mécréance et d'hypocrisie et de transgression. D'accord? Al-Hajouri, lui, a supprimé cette parole dans la deuxième édition du livre Ahkam al-Jumu'ah. Il a supprimé cette parole concernant les Sahaba, où il collectionne ces choses. Hein? Mais sans rien signaler relativement à cette faute manifeste. Hein? Il n'a pas clarifié. Donc il doit donc clarifier. Puisque la première édition s'est propagée, c'est-à-dire la première édition de ce livre qui est Ahkam al-Jumu'ah, s'est propagée, peut-être qu'elle est encore en vente dans les maktabat et ainsi de suite. Hein? Donc elle doit clarifier. Ou bien elle fait partie de la transgression d'Al-Hajouri envers Uthman, radiallahu anhu, qu'il considère son éden comme étant une bid'a. Hein? Et non pas seulement une bid'a, mais al-bid'a al-um. Il considère que c'est l'innovation mère, hein? Que c'est l'innovation mère, la matrice des innovations qui concerne ce chapitre de Al-Jumu'ah et ainsi de suite. Hein? Il dit dans ce livre qui est Ahkam al-Jumu'ah, la page 415, وَهَذِهِ الْبِدْعَةُ hein? Il qualifie l'adhan de Uthman radiallahu anhu comme étant une bid'a. D'accord? وَهَذِهِ الْبِدْعَةُ إنما ولدت من تلك الأم. Donc il parle d'un autre sujet. Il dit, cette innovation, elle vient de telle autre qui est la mère des innovations. Quelle autre? Hein? بدعة الأذان الأول ولها بنيات غير هذه سيأتي ذكرها. Traduction de la parole de l'Hajouri, Wallah Musta'an. Cette innovation. Il parlait d'un autre sujet, il a dit, cette innovation est engendrée de cette mère. Hein, quelle est cette mère? L'innovation de l'adhan premier, hein, du premier adhan. C'est-à-dire l'adhan qui a été une sunna du calife bien guidé qui est Uthman, radiallahu anhu. Lui, il considère que c'est une innovation. Hein? Et il a continué en disant, elle a des branches, c'est-à-dire cette mère des bid'a, donc sur ce chapitre, selon lui, toujours, elle a des branches autres que celles-ci que nous allons citer. Les habouniyat okhra, non pas seulement ce sujet qu'il était en train de traiter. Fin de sa parole. Il a décrit l'adhan de Uthman comme étant dalal wa munkar, un égarement et une chose répréhensible. يقول الحجوري هداه الله وقد يقال إن هذه البدعة بدعة الأذان الأول يوم الجمعة من فعل الخير لأنها تذكر الناس تذكر الناس بالاستعداد للجمعة. Fin donc de ce qui est rapporté des gens, Qultu, c'est-à-dire Al-Hajouri, Qultu, wa mata ja'a min al-bid'i khayr. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul, kullu bid'atin dalala, wa kullu dalalatin fi an-nar. Ay sahibuha mustahiqun bi fi'liha an-nar, ala hasbi tafawutiha. Wa ad-dalil ala anna hadha al-adhana laysa min fi'li al-khayr. Il a cité d'autres choses et il est venu à la conclusion, c'est-à-dire en parlant de l'adhan Uthman, et en parlant d'autres sujets qu'il a énumérés, فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مُنْكَرٌ وَضَلَالٌ وَلَيْسَ مِنَ الْخَيْرِ فِي قَلِيلٍ وَلَا كَثِيرٍ وَلَوْ كَانَ خَيْرًا لَدَلَّنَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Traduction de la parole de Al-Hajouri, wallahu musta'an. Hein, il a dit, on peut objecter, hein, d'autres pourront objecter en disant, hein, que cette innovation, c'est-à-dire l'innovation du premier Adhan, il considère que c'est une innovation, hein, du premier Adhan, le jour de Al-Jumu'ah, on peut objecter qu'elle fait partie du bien, car elle rappelle aux gens de se préparer à Al-Jumu'ah, hein, afin de ce qui est rapporté des gens. Je dis, hein, c'est-à-dire Al-Hajouri, je dis, quand un bien est-il venu des innovations, hein, quand est-ce qu'on a reçu donc un bien donc venant des innovations? Le prophète alayhi salatu wasalam dit, toute innovation est un égarement, et tout égarement est dans le feu. C'est-à-dire que son auteur mérite le feu par son acte, proportionnellement, hein, ou bien en proportion au type des innovations. La preuve que cet adhan ne relève pas des bonnes actions, et il mentionne, hein, donc d'autres sujets, il a conclu en disant, la preuve, tout cela est répréhensible et est un égarement. Il ne fait pas partie du bien, tant soit peu ou grand. S'il était un bien, le messager sallallahu alayhi wa sallam nous l'aurait indiqué. Hein, nous l'aurait indiqué. D'accord ? Donc là, cela, il contredit la parole du messager alayhi wa sallam. Le prophète alayhi wa sallam, il a dit, hein, « Fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin min ba'di. » Il a dit, « Tenez à ma sunna ainsi qu'à la sunna des califs bien guidés après moi. Hein, » Hein, subhanallah, comment des textes tellement connus des musulmans, donc ça tombe les contredits. D'autre part, hein, Al-Sheikh Al-Bayhani, hein, Al-Sheikh Al-Bayhani s'est trompé dans son livre Islah Al-Mujtama' en qualifiant le compagnon Al-Aqra' ibn Habis radiallahu anhu comme étant Rajulun ghalid al-tab'i qasi al-qalb. Donc il y a un auteur, hein, il avait composé un livre, et cet auteur s'appelle Al-Bayhani, et dans ce livre on trouve cette parole concernant le noble compagnon Al-Aqra ibn Habis. Il l'a qualifié comme étant Rajul ghalid al-tab'i qasi al-qalb, c'est-à-dire un homme grossier, hein, au cœur dur. D'accord. Al-Hajouri, lui, il a fait un tahqiq, c'est-à-dire une vérification de ce livre avec des commentaires, mais il n'a pas commenté cette parole, hein? C'est-à-dire en faisant le tahqiq de ce livre, il passe sous silence cette parole comme si elle ne méritait pas une annotation ou bien donc une correction, et de dire que ceci est un propos qui est faux. Ça fait partie donc des choses que Al-Hajouri a commis à l'égard des compagnons. D'accord. Bref, les erreurs de Al-Hajouri envers les compagnons sont répétées. Hein? Pour lui, hein, Qudam ibn Mad'un, radiallahu anhu, aurait proféré l'innovation de Al-Irja. Pour lui, le premier à avoir proféré ou dit donc l'innovation de Al-Irja, c'est Qudam ibn Mad'un. Or, il n'y avait pas d'innovation chez les compagnons. Il n'y avait aucune innovation, hein, chez les compagnons, comme avait montré Cheikh l'Islam, rahimahullah. Donc là, le deuxième point, donc relativement aux Sahaba, hein, pour Al-Hajouri, Uthman aurait forgé, c'est-à-dire inventé, hein, une innovation qui s'appelle le premier Adhan. Hein, et non pas que c'est une sunna. Hein, et non pas que c'est une sunna, comme les gens de science le disent. Et donc aussi ce point qui est Al-Aqra ibn Habis, radiallahu anhu, hein, que Al-Bayhani considère comme étant un homme grossier et ayant un cœur dur, hein, et cela ne mérite pas une note de la part de Al-Hajouri, hein, de la part de Al-Hajouri. D'accord. Donc et autre chose, hein, donc ces hommes qui sont les compagnons, on sait qu'ils ne sont pas infaillibles, hein, mais Al-Hajouri, hein, va jusqu'à considérer que certains d'entre eux auraient participé au meurtre de Uthman, hein, radiyallahu an, hein, wallah al-musta'an. Donc chose qui est Donc, un propos que les gens de la Sunna ne disent pas. Hein? Donc, lam yusharik ahad min as-sahaba fi qatl Uthman radiyallahu anhu. Lam yusharik ahad min as-sahaba fi qatl Uthman. Donc, il n'y a aucun compagnon. Hein? Donc, à prendre part avec les Khawarij lorsqu'ils ont encerclé la maison de Uthman et lorsqu'ils l'ont tué, radiallahu anhu wa arda. D'accord? Donc là, c'était le 11e fondement reproché à cet homme. Et maintenant, on passe au 12e fondement, c'est l'excès à l'égard de la personne de Al-Hajouri, chose qu'il agrée qu'on voit. C'est-à-dire qu'il ne dit pas au Tolab, et ainsi de suite, de ne pas faire ses éloges où il y a le relou, où il y a l'excès, où il y a des propos donc tellement étonnants, comme on va voir, hein, Imam Thaqalayn, Imam des djinns et des hommes, hein, et ils ont dit que si on va le diluer ou on va le fondre, ça va donner du sunna et donc du livre, voilà, Musa'an, c'est des propos tellement de l'exagération comme les propos des soufis. Et les propos donc des gens qui ont beaucoup de relous à l'égard des hommes. Hein? Donc, il y a beaucoup d'exemples d'excès, c'est-à-dire de al-relou, du fanatisme envers cet homme. Nous en citons quelques exemples. Hein? Il y a beaucoup donc d'exemples relevés par Cheikh Arafes. Hein? Donc, nous nous contentons de signaler certains exemples. Donc, la parole, Imam al-Thaqalayn al-Yamani. Imam al-Thaqalayn al-Yamani. Hein? Comme dans un poème qu'il écouta. Hein? Et après quoi, il dit, Jayyid, Itabun, Itabun Jayyid, Yantabihoun, Yantabihoun. C'est-à-dire, il a dit, c'est bon, c'est un bon blâme. C'est-à-dire, il s'adresse au poète, il a dit, tu leur as fait un bon blâme. Donc, ils vont s'aviser, hein? Ils vont s'aviser. Donc, de ce qui est dans le poème. Hein, donc, il a agréé donc, cette expression qui est Imam al-Thaqalayn al-Yamani. Et cette expression, Imam al-Thaqalayn al-Yamani, fut reprise dans le livre Al-Khiyana al-Da'awiyya, page 119, hein, et qui est un livre écrit par Abdelhamid al-Hajouri. Hein. Et dans ce même livre, hein, qui est Al-Khiyana al-Da'awiyya de Abdelhamid al-Hajouri, la page 109, un poète, hein, dit de Al-Hajouri, لو ذوبوه لذاب لحمه سنة ولصار آيات الكتاب الباقي. Hein? Traduction un peu donc tentative de traduction de cette parole d'excès. Hein? Si on le fait fondre, لو ذوبوه, hein, si on le fait fondre, sa chair sera de la sunna et il sera, hein, les versets du livre éternel. Regardez ce relou. Regardez ce relou, Wallah, et il y a même donc d'autres innovations que donc ce vers il fait penser à d'autres innovations, c'est-à-dire manifestes qui vont considérer que donc que la parole d'Allah elle est créée, hein? Donc ça frôle, c'est-à-dire cela, al-qawl bi khalq al-Qur'an, hein? La sara ayat al-kitab al-baqi, hein? D'accord? Et donc là, le kitab wa sunna, c'est un wahi, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien à voir avec la chair des hommes. Hein? N'a rien à voir avec donc, la chair des hommes, ni avec la création. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour donc, éclairer la voie des hommes, hein? Et pour montrer aux hommes, hein, leur voie. Wallahu al-musta'an. Donc, il y a cette parole, hein, que nous venons de citer, et je rappelle sa traduction. Si on le fait fondre, sa chair sera de la sunna et il sera les versets du livre éternel. Et dans un autre poème, qu'il écouta, hein, sans réprimande, sans gronder et sans réprimander le poète, hein, le poète compare Al-Hajouri au messager. Puis à Abu Bakr, puis à Omar, puis à Uthman, puis à Abu Moussa al-Zubaydi, puis à Khalid ibn al-Walid, et puis à At-Tawfayl al-Dawsi, et puis à Ibn Abbas, il a tout cela, Wallah al-Musta'an, et puis à Muawiya, et à Amr ibn al-As, d'accord? Et puis à Ahmed ibn Hanbal, et puis à Al-Shafi'i, et à Ibn Taymiyyah, et à Muqbil, et à Al-Albani, à Al-Uthaymin. Et le poète finit par dire وَفَضَائِلُ لَمْ أَسْتَطِعْ إِحْصَاءَهَا كَلَّا عَلَى مِثْلِ تَغِيبُ وَتَغِيبُ وَتَصْعُبُ. D'accord. وَفَضَائِلُ لَمْ أَسْتَطِعْ إِحْصَاءَهَا كَلَّا عَلَى مِثْلِ تَغِيبُ وَتَصْعُبُ. D'accord. C'est-à-dire, et d'autres mérites que je ne saurais dénombrer, ils m'échappent et sont difficiles à cerner par quelqu'un comme moi. Tout ce qu'il a dit, et il y a d'autres choses à dire que lui n'arrive pas à connaître chez cet homme, Wallah Musta'an. Donc, et beaucoup d'éloges, d'excès et d'exagérations que font les poètes devant lui. Et lui, il agrée cela. Et même lorsqu'il a été interrogé sur cela, il a dit, il y a des gens qui me critiquent, donc des gens qui font mon éloge maintenant. Donc, c'est une bonne chose. Mais ils font l'éloge de Al-Hajouri par le relou. Par le relou. Et comme avait dit Cheikh Arafes, il a dit, tu agrées le relou en ta personne. Même si tu es critiqué par les gens de la Sunna, tu ne dois pas agréer le relou en ta personne qui est donc présent dans ces poèmes. Très bien. Et donc, on passe maintenant au 13e fondement. On passe au 13e fondement, et qui est la transgression dans le jugement envers l'opposant. Quoi qu'il soit un savant, et quoi qu'il soit parmi les gens de la sunna. Al-ghulu fil hukm ala al-mukhalif wa law kana aliman. C'est-à-dire, il excède, il dépasse, du dépassement et de l'excès lorsqu'il critique quelqu'un. Et non pas qu'il est munsif, qu'il est juste lorsqu'il critique quelqu'un. Al-Hajouri et ses suiveurs ont pris part à quoi? Ils ont pris part au combat mené par les gens des innovations contre les gens de la Sunna et contre les savants de la Sunna, les savants et les mashayikh de la Sunna. Al-Hajouri dit de Cheikh Ubayd al-Jabiri, comme c'est attesté dans un enregistrement, où Al-Hajouri dit « Wallahi, yukhsha alayhi min al-zandaqa, yukhsha alayhi min an yamruqa min al-din, ida dadd al-din, wa baqiya ala hadha al-kazib. » Donc il a dit à propos du noble Cheikh, qui est Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidhahullah, il a dit cette parole. Voici la tentative de traduction de sa parole. Par Allah, c'est-à-dire qu'il jure sur cela, on craint qu'il ne succombe dans l'hypocrisie. C'est-à-dire l'hypocrisie, la tiqadiyya qui sort de l'milla. L'hypocrisie qui sort de din. On craint qu'il ne succombe dans l'hypocrisie, qu'il ne sorte de la religion s'il s'y oppose et reste sur ce mensonge. D'accord ? Donc il a de Al-Ghulu quand il s'adresse, c'est-à-dire à ses adversaires, même s'ils sont des adversaires parmi les gens de la Sunna. Par contre, il considère qu'étudier à Damaj une année équivaut à l'étude ailleurs pendant 10 années. Qala fil Kanz al-Thamin, le volume numéro 5, le volume numéro 5, la page 245. ولهذا تجد من يمكث هنا أي في دمج مجتهدا سنة فإنها تعدل 10 سنين في غير هذا المكان. D'accord, traduction. C'est pourquoi tu trouveras que celui qui demeure ici à Damaj, déployant l'effort pendant une année, c'est comme celui qui dépend l'effort pendant 10 années ailleurs. Non pas 2 années, donc ici il y a c'est-à-dire des conditions favorables à l'apprentissage par exemple. Non, il dit une année ça équivaut à 10 années en dehors de Damaj. C'est de l'excès. Et il dit de qui? De Cheikh Ubayd al-Jabir al-Hafidhullah. Il a dit de Cheikh Ubayd, il a dit une parole d'ailleurs, donc il a une licence salite, il a une langue qui est donc qu'il ne maîtrise pas. Hein. Donc il dit des choses graves à l'égard des gens de science, hein, tels que Cheikh Ubeid, et tels que Cheikh Louis Saabi, et tels que ses adversaires, hein, comme l'Adaniyin, et ainsi de suite. Il a dit des propos, c'est-à-dire que les gens de la Sunna ne font pas. Hein, le prophète salam, il a enseigné, il a dit Laysa al-Muslimu bit-ta'ani wa lal-la'ani wa lal-fahish al-badi. Hein, c'est-à-dire que le musulman n'est pas quelqu'un qui détraque. Hein. Souvent, si cela se produit une fois, c'est pas comme de prendre cela comme un manhaj, comme une voie. Laysa al-Muslimu bit-ta'ani, c'est-à-dire qu'il ne fait pas beaucoup de ta'an toujours, hein, wa lal-la'ani, qu'il ne fait pas, donc qui ne maudit pas. Hein, donc à tout moment, hein. Ou le fahish al bazi, ce n'est pas quelqu'un qui est ordurier dans ça, ou grossier. Il ne s'exprime pas par des mots grossiers. Hein. Le mu'min, il parle par un langage de la science. Hein. Surtout s'il s'affilie aux gens de science, hein. Il parle donc en un langage qui est doux, qui essaie donc de faire rapprocher les gens de la religion. Donc, qu'est-ce qu'il a dit à propos de Cheikh Ubeid? On s'est arrêté sur cette parole. Hein? Il a dit, Akhzallahu Ubeidan kama yukhzi shaytan. Hein? Traduction de sa parole, qu'Allah avilisse Ubeid, hein, comme il avilit le diable. Regardez, comme si c'était donc comme le diable, subhanallah. Hein? Source As'ilat Ashab Ad-Dis Ash-Sharqiyya. Hein? Donc là, c'est de l'excès. Hein? C'est de l'excès. C'est vraiment, il prend des extrêmes. Wallahu musta'an. Et sur le site de l'Hajouri, on trouve ce vers de l'un de ses poètes. Hein? C'est-à-dire dans le site officiel de Yahya al-Hajouri. Qu'est-ce qu'on trouve? Hadha, il s'adresse à Cheikh Ubeid. Hadha yadullu ala ma anta tahmiluhu. من الفجور وللشيطان تمتثل ها d'accord traduction de cette parole qui figure dans un écrit intitulé التنكيل لما عند عبيد من المجازفات والأباطيل il a dit à ce disciple et c'est affiché sur le site officiel de Yahya al-Hajouri hadahu Allah cela prouve traduction de la parole de ce poète entre parenthèses, ce poète, hein, cela prouve ce que tu portes comme perversité et que tu obéis au diable. Hein, et que tu obéis au diable. Et regardez cet autre poète, qu'est-ce qu'il va dire, hein? Un autre poète, il a dit, Iblis min jannati ar-Rahmani akhrajana, hein, akhrajana bi nushihi wa ubaydun ja'ahu ad-dawru. Hein? إبليس من جنة الرحمن أخرجنا بنصحه وعبيد جاءه الدور. D'accord? La source de cette parole d'abord, c'est sur le site de Yahya al-Hajouri, hein, et c'est dans un écrit intitulé, ou un poème intitulé, بدأتها أنت فتحمل عواقبها. D'accord? Traduction de cette parole de ce poète, aussi entre parenthèses, Iblis nous a sorti par son conseil hein, du paradis, du tout miséricordieux, et est venu le tour de Ubeid. Hein, c'est-à-dire Ubeid, il vient maintenant après le diable, après Iblis, hein, il vient le tour de Ubeid al-Jabiri, ce noble savant hein, qui est très connu chez les salafis, Wallah al-Musta'an. Et Al-Hajouri dit de Cheikh Ubeid al-Jabiri, « Ish min fatwa hadih, hadih fatwa iblisiyya hadih. » صحيح فتوى إبليسية شيطانية نفخه إبليس أف لعبيد الجابري أف له صحيح والله والله ما أراه في عيني شيئا والله d'accord il dit d'une fatwa du Cheikh Ubeid je cite la parole de l'Hajouri hein, une fatwa d'Iblis hein, fatwa d'Iblis il a répété fatwa d'Iblis c'est-à-dire du diable Iblis a soufflé en lui et il l'insulte en disant offen, c'est-à-dire il est en train de l'insulter hein, donc d'une manière grossière. D'accord? Il a beaucoup d'autres insultes contre Cheikh Ubeid et contre d'autres savants, tels que l'Adaniyin et tels que Cheikh Bukhari et tels que Cheikh Louis Sabi, qui est pourtant son Cheikh. Hein? et ainsi de suite, wallah al-musta'an. Et donc, Cheikh Arafat, hafidhahullah, il a rappelé des exemples de cela qu'on peut trouver sur le Bayan al-Fawri, les pages 27 à 32, hein, à 32, où il résume, c'est-à-dire ses paroles contre les gens de la Sunna, et le Cheikh il est en train donc de montrer cet égarement de cet homme. Hein. Et Abd al-Hamid al-Hajouri dit dans Al-Khiyana al-Da'awiyya, la page 80, « وَسَتَرَى فِي مَا سَأَذْكُرُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْخَوَانَةَ يَسِيرُونَ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّيْطَانِ » D'accord ? Il s'adresse au lecteur et il est en train de dire hein, que ses adversaires « يَسِيرُونَ عَلَى طَرِيقَةِ الشَّيْطَانِ وَفِرْعَوْنِ » Hein? وفرعون وهامان وأبي جهل وكثير من الكهان وعلى طريق ابن أبي المنافق. Hein? C'est-à-dire, il vise ibn Abi Saloul. Hein? Traduction de cette parole de Abdelhamid al-Hajouri cette fois. Et tu vas voir dans ce que je vais citer que beaucoup de ces traîtres suivent le sentier du diable, de Pharaon, de Haman, qui était l'auxiliaire de Pharaon, d'Abi Jahl, de beaucoup de devins et du sentier d'Ibn Abi, l'hypocrite, c'est-à-dire ils disent, hein, c'est-à-dire Ras al-Nifaq, la tête des munafiqin, qui était Ibn Abi Saloul, hein, Ibn Abi Saloul. Et Al-Hajouri, il a préfacé ce livre, c'est pourquoi nous rapportons cette parole donc du livre qui est Al-Khiyana al-Da'awiyya. Al-Hajouri a beaucoup défendu cette parole perverse, hein, c'est-à-dire cette parole dite par c'est-à-dire son auxiliaire qui est Abdelhamid Al-Hajouri. Bref, certains gens d'innovation auraient honte de s'exprimer de la sorte avec les gens de la Sunna. Hein. Il y a même donc des gens des innovations, ils ne peuvent pas aller jusqu'à ce genre de propos lorsqu'ils adressent la parole aux gens de la Sunna. Donc peut-être qu'on va nous arrêter ici sur ce point. Il nous reste le 14e fondement avant de rentrer dans la deuxième partie qui est la deuxième partie de Al-Bayan Al-Fawri. Al-Bayan Al-Fawri Al-Juz Al-Thani. Subhanak Allahumma bihamdik. Shadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.